الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا مع المورد العذب الزلال، وهذا هو الدرس 16، ولا زلنا في الباب 8، وهو بيان مساوئ الحزبية. Voici le 16e cours dans ce livre de Cheikh Najmi Hafidha Allah Ta'ala, qui est la source délicieuse dans la critique de certains voies de da'wa et la critique de certains croyances. Nous sommes au chapitre 8, qui est l'éclaircissement sur le mal du sectarisme. فلازلنا مع كلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي نقله عنه الشيخ، يقول حفظه الله تعالى في نقله: يقال لوى لسانه إذا أخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. الشيخ dans ce passage a cité certaines paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Jumu' al-Fatawa. Il dit, en ce qui concerne le verset qui est passé avec nous, où vous qui avez cru soyez justes, dans ce verset il y a un verbe talou, et talou, Cheikh nous dit que lawalisanah, tourner sa langue, ça veut dire il annonce, il ment, il annonce du mensonge. Il parle aussi d'al-i'rad, c'est le fait de cacher la vérité. Et il dit que celui qui se tait sur la vérité, c'est un shaitan muet. Et celui qui se penche du côté de son ami, que la vérité soit avec son ami ou qu'il est dans le faux, ou qu'il soit dans le faux, celui-là, il a jugé avec des jugements d'Al-Jahiliya. Et il est sorti, il n'a pas jugé avec les lois d'Allah, Azza wa Jalla, et de son messager, alayhi salatu wassalam. Et ce qui est en combat tout le monde, et ce qui est obligatoire à tout le monde, c'est qu'ils soient tous ensemble, d'une seule main, avec celui qui est dans la vérité, contre celui qui est dans le faux. Et dans ces cas-là, ce qui va être mis en avant pour eux, et ce qui va prendre de l'importance pour eux, c'est là, c'est la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance. C'est la chose à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance. Et c'est la chose à laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné de l'importance. Et ce qui va être mis en avant, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant. Et ce qu'a mis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en avant. Et ce qui va être aimé d'eux, et apprécié d'eux, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, ce que son messager aime. Et celui qui va être rabaissé, qui va être mis à l'écart, ce sera celui que Allah subhanahu wa ta'ala rabaissé, ce soit, et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a rabaissé. Ce sera celui que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'écart, ce sera celui que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a mis à l'écart. Ceci, pour avoir l'agrément d'Allah azza wa jalla et de son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pour, et ne pas suivre, il faut suivre le chemin qui va nous amener vers l'agrément d'Allah azza wa jalla. Et non pas suivre nos passions, et ce que nous désirons, et nos penchants. Car celui qui obéit à Allah Azza wa Jalla et à son messager, il a tout gagné. Il est dans la bonne orientation et dans la bonne direction. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, il ne fera du mal qu'à lui-même. Il n'a qu'à s'apprendre à se prendre à lui-même le jour de la résurrection. C'est lui qui sera le perdant. C'est lui qui va à sa perte. فهذا هو الأصل الذي عليه معتماد وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم لأن الله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات donc dans ces cas-là l'obéissance à Allah عز وجل et le fait et l'obéissance au prophète عليه الصلاة والسلام et le fait d'aller dans la vérité et avec les gens de la vérité et d'être l'allié des gens de la vérité et de la vérité, ça c'est la base principale qui doit être notre pivot et notre source. Hein? Et donc dans ces cas-là, si on agit ainsi, il n'y a plus besoin de se diviser. Il n'y aura plus de division. Il n'y aura plus de parti. Il n'y aura plus personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Il l'a dit dans ce verset qui est déjà passé avec nous, ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en partie, tu ne fais pas partie d'eux. Hein? Et il a dit aussi, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, qui ont divergé, après qu'ils ont eu les preuves et l'éclaircissement. فلو أخذ الشباب بهذا الأصل العظيم أحبوا لله وأبغضوا لله واجتمعوا لله وتفرقوا لله ومنعوا لله وأعطوا لله وحكموا بحكم الله عز وجل هل يحتاجون إلى تفرق؟ هل يحتاجون إلى تحزب؟ طبعا لا. Maintenant c'est la jeunesse. Ce qu'on pense à cette base fondamentale, qui est le fait d'aimer en Allah et pour Allah, et de désavouer pour Allah et en Allah, hein? Et de donner pour Allah et de s'abstenir pour Allah et d'empêcher de ne pas donner pour Allah Azza wa Jal et de mettre en application les sentences d'Allah Azza wa Jal, est-ce que la jeunesse aura besoin de se constituer en groupe? Naturellement, non. Il n'y aura pas. Mais quand on donne pour le groupe, et pour les principes du groupe, on s'allie pour les principes du groupe, on s'aime pour les principes du groupe, on se réunit, il est évident qu'on se constitue en groupe, et qu'on se sectarise, et qu'on devient une secte. وهذا موضع الدم عند عند عندهم البينات من الله ومن رسول الله وبيانات أهل العلم وتوضيحات أهل العلم ويتفرقون ويختلفون هذا شيء عجيب وإن دل على شيء إنما يدل عن الإعراض عن الحق وعن اتباع الهوى. Et ceci maintenant cette situation dit le sectarisme. Après tous ces éclaircissements من الله عز وجل et après les versets, et après la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et la voix du plusieurs d'Allah alayhi qui nous éclaire comme quoi il ne faut pas se constituer en groupe, quand comme ça, on se constitue en groupe, ça veut dire qu'on suit nos passions. Ça veut dire qu'on donne le dos à la vérité. Ça veut dire qu'on met de côté ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, et ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, et on met de côté la voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, on la met de côté et on ne la prend pas. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى ولا زال ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره ثم ساق كلاما في هذا المعنى ثم قال وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون على الإثم، ولا يتعاونون على ظلم ولا على عصبية جاهلية ولا اتباع هوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف. انتهى ما نقله الشيخ رحمة الله عليه من مجموع الفتاوى المجلد 28 من الصفحة 15 إلى الصفحة 17. الشيخ دو كونتينيي دو نو سيتي دي بارول دو شيخ الإسلام ابن تيمية دون لو 28e tome des fatawas, des recueils des fatawas de Cheikh l'Islam de Taymiyyah. De la page 15 jusqu'à la page 17, il est cité, Hafidhahullah Ta'ala. Il dit, quand l'homme a eu un prof qui lui a enseigné, il doit connaître le bien de ce prof et la valeur de cette personne. Il doit le remercier, être reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Et il a ramené des paroles, il a dit après, et quand ils se réunissent dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance à son messager, et quand ils s'entraident dans la dévotion et la piété, il n'appartient pas à quelqu'un d'eux parmi eux d'être, il n'appartient pas à tout un chacun d'être avec tout le monde, dans tout ce qu'il pense. Hein? Et il leur appartient tout simplement à être les uns avec les autres dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et dans l'obéissance à son messager alayhi salatu wassalam. Il ne se sectarise pas pour qui que ce soit. Là, je suis l'ami de celui-là, tu dois être l'ami de celui-là. Là, ce n'est pas comme ça. On est les uns liés aux autres et on est les uns avec les autres et liés avec les autres dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance à son messager alayhi salatu wassalam. Et ils ne seront jamais, ils ne doivent jamais être avec quelqu'un dont la désobéissance à Allah et dont la désobéissance à son messager alayhi salatu wassalam. Mais ils s'entraident pour la vérité, pour la justice, pour la bienfaisance, pour le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal et de faire triompher celui sur lequel on a commis une injustice, de le défendre. Et ils sont dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et dans tout ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aime et agrée. Et ils ne s'entraident pas dans l'injustice. Ils ne s'entraident pas pour un sectarisme. Ni pour un tribalisme. Ni pour un nationalisme aveugle. Mais ils s'entraident dans l'obéissance à Allah. Et dans l'obéissance à son messager alayhi wa sallam. Ils ne suivent pas leur passion. Ils suivent la guide min Allah Azza wa Jal. Et ils ne se divisent pas, ils ne divergent pas. فدونك هذا المقطع من كلام هذا الحبر العظيم والمربي الماهر والعالم المحقق العارف بالسنة وما ينافيها والبدعة وما يدانيها ويدخل فيها. Il dit, حفظه الله, en faisant l'éloge à Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, voici ces nobles paroles de cette montagne de science et de cet éducateur excellent qui est Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et de cet savant authentificateur qui connaît la sunna et ce qui est le contraire de la sunna qui est l'innovation et qui connaît les choses qui vont te rapprocher de l'innovation et qui vont te faire rentrer dans l'innovation. Et Cheikh l'Islam a été l'exterminateur d'Yel Libida à son époque par excellence. Et l'exterminateur des innovateurs par excellence à son époque. Il a été même à tel point, il a eu un débat sur ce qu'il a écrit sur le Wasitiya, et il a dit à ceux qui, parmi l'Asha'ira, parmi ceux qui lui cherchent des noises avec le gouverneur, il leur a dit, je vous donne 3 ans, vous cherchez dans l'Aqida al-Wasitiya. Si vous trouvez quelque chose qui est en contradiction avec la parole d'Allah, Azza wa Jal, et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, faites ce que vous voulez. ils peuvent rester leur vie entière, génération après génération, pour trouver qu'une parole, une lettre, qui est en contradiction avec la parole de l'Allah, Azzawajal, l'authentique de la sunna du prophète, dans le wasitiyah, ils ne le trouveront pas. Ainsi il était, ridwanullah alayhi, wa rahimahullah ta'ala. تأمل كلامه تراه في التحذير فيه التحذير من الانتماءات والحزبيات لما فيها من التنافر والافتراق والتشتت والانقسام المؤدي إلى التباغض والشقاق كأنه يعيش معنا وهذه بصيرة أهل العلم وهذه ثمرة العلم الذي أكرمهم الله به والفهم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى والفقه الذي أكرمهم به الله سبحانه وتعالى كأنه معنا يرى ما نحن فيه ويرى هذه الأحزاب ها وهذه الجماعات وهذه الجمعيات كل يوم اسم وكل يوم لم وكل يوم ها donc médite les paroles d'Ibn Taymiyyah rahmatullah tu vois ces avertissements l'avertissement contre le fait d'être adepte d'un groupe contre le fait d'adhérer à un parti les avertissements contre le sectarisme hein, et contre la division et le morcellement. Parce que cette division et ce morcellement, ils amènent vers quoi? Vers la haine. Vers la haine. Et comme si Cheikh continue ses paroles de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, comme s'il vit avec nous. Rahmatullah alayh. Comme s'il vit avec nous. Donc tout quand il te parle des groupes et des avertissements, etc. Alors Allah, c'est comme s'il était avec nous. Hein? Et ça, c'est le fruit de cette clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a comblé les hommes de science. Et c'est le fruit de cette compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ces hommes de science. Hein? Qui sont sur le même chemin que Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et d'autres. Ceux qui sont avant lui, ceux qui sont venus après lui, et ceux qui vont arriver. Hein? وبارك الله في شيخ بكر بن عبد الله بن زيد فقد كتب عن مضار الحزبية وعيوبها وسلبياتها ما يزيد على 40 مضرة. وهنا الشيخ يكلمك في شيء مهم جدا عند بعض المعاصرين. بارك الله في الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد فلقد كتب عن مضار الحزبية وعيوبها وسلبياتها ما يزيد على 40 مضرة في كتابه حكم الانتماء. Et ce cheikh ne citait un des contemporains, il dit bini, Allah subhanahu wa ta'ala bini الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد, il a écrit dans le mal de la Hizbiyya, il a sorti plus de 40 points qui sont néfastes dans la Hizbiyya. Dans un livre qui s'appelle La sentence sur le fait d'adhérer à un parti, d'adhérer à un groupe. Le Cheikh Bakr Abu Zayd, Hafidhahu Allah Ta'ala, alim ma'rouf, min ulama'i al-mamlaka, lahu kitabatun jayidatun fi nusrati sunna, wa minha hukmul intima'. ذكر فيه عيوب الحزبية وله رسالة جيدة عنوانها الرد على المخالف من أصول الإسلام ورسالة قيمة كذلك وهي هجر المبتدع وكان الحزبيون من صرورية وقطبية وتكفير وإخوان يحاربون هذه الكتب ويحذرون أتباعهم وشبابهم من اقتنائها ومطالعتها وتمر الأيام وإذا بالشيخ بكر يرد على الشيخ ربيع في مسألة سيد قطب في ورقات لا دليل فيها ولا برهان كلام عاري من الدليل المهم كما قال أهل العلم أوراق ما يقبلها صاحب عقل ولا يرضى بها صاحب منهج لأنه فيها لأنه لا حجة له فيها والشيخ ربيع لما كتب كتبه في بيان أخطاء السيد قطب وفندها، نقل من كلام سيد قطب ورد عليه بالكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. فالشيخ ربيع دان سيد قطب من كلامه الموجود في كتبه بالجزء والصفحة. وأما الشيخ بكر أبو زيد لما كتب تلك الوريقات ما ذكر حجة ولا دليلا، فقط كلام إنشائي لا فائدة من ورائه. لكن لاحظ معي الآن الانقلاب والتناقض عند الحزبيين. كتب حكم الانتماء وهجر المبتدع والرد على المخالف مما كتبه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى حاربها الحزبيون ومنعوا الشباب منها ومن قراءتها. ولكن تلكم الوريقات الأربع التي لا حجة فيها ولا برهان فيها طاروا بها ونشروها في أرجاء الدنيا. أرأيت كيف يفعل الهوى بأهله؟ هذا هو الهوى، وهذه هي الحزبية المقيتة، وإلى هذا تصل بالإنسان. لما كتب كتبا مدعمة بالدليل تخالف ما هم عليه حاربوه، ولما كتب ما يوافقهم ويوافق انحرافهم أخذوه ونشروه وأدعوا أن الشيخ بكر أبو زيد رد على الشيخ ربيع، وسموا تلكم الورقات بالخطاب الذهبي، ولم يبق لهم إلا أن يعلقوها على جدران الكعبة. وما هو بالخطاب الذهبي ولكنه الخطاب المخربق. الشيخ بكر أبو زيد في بارتي دي غران سافون دو لا كومينوتي دو الإسلام حفظه الله تعالى، il est connu. Et il a beaucoup de livres qui sont très intéressants dans le Menej. Notamment, il a la sentence de l'appartenance au groupe. Il a un autre livre qui s'appelle Délaissé, mettre de côté le Moubtadi, l'innovateur. Il a un autre livre qui s'appelle Le fait de répliquer à ceux qui sont en divergence avec le Menej, c'est un fondement de l'islam. Mais ces livres, les Hizbi, ce soit les Ikhwaniyun, les Sororit, les Qutbi, les tous qu'ils sont. Ils combattaient ces livres, ils avertissaient contre ces livres, ils empêchaient les jeunes, ils interdisaient à leurs jeunes de lire ce livre et de les acheter. Les mois passent, les jours passent, et tout d'un coup, Cheikh Bakr Abou Zayd, hafidhahullah ta'ala, fit une réplique non fondée à Cheikh Rabi' sur la question de Sayyid Qutb, hafidhahullah Cheikh Rabi' wa Cheikh Bakr Abou Zayd. Dans quatre feuilles, ces quatre feuilles, il n'y a aucune preuve dedans. Tout simplement une dissertation. Comme quelqu'un qui crie une... Comment vous appelez ça quand on vous donne un sujet, hein? Une expression écrite, dites. Pas de preuve, rien. Comme ils ont dit les hommes de science qui ont lu ces quatre lettres, ces quatre feuilles. Et les hommes de science ont dit, ces feuilles, celui qui est doué de raison ne les acceptera pas, il n'a pas à les accepter. Car, Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, quand il a écrit ses livres, il a ramené la preuve. Et il a pris les passages, les erreurs qu'il y a dans les livres d'Al-Sayyid Qutb, et il a réfuté les erreurs et les catastrophes qu'il y a dans les livres de Sayyid Qutb en ramenant la parole d'Allah Azza wa Jal, l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, et la voix du puiseur d'Allah alayhim. La page, il te donne l'édition, et en quelle année il a été édité, et le numéro de l'édition. Quant aux quatre feuilles, une expression écrite, tout simplement. Mais maintenant, ce que je veux que tu remarques, c'est que les bons livres de Cheikh Bakr Abou Zayd, dont lesquels il y a des règles, d'Yaoul Menhej, il y a des leçons à retenir. On les combat, les hizbi les combat. Mais ces quatre feuilles, qui sont du charabia, ils les ont appelées le discours en or. Le discours doré, ils l'ont appelé. Ils l'ont propagé à travers la planète. Il leur restait tout simplement à le coller contre les murs d'Yel Kaaba. Voilà ce qu'il leur restait. Hein? Et ça, ça te prouve les passions et le sectarisme et l'alliance pour les principes fondamentaux du groupe et l'alliance qu'on fait pour des personnes et pour les emblèmes du groupe. Et cette tête pensante et les théoriciens qui y mettent des théories pour le groupe. Tout est basé là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont agi ainsi. Hein? Des feuilles dans lesquelles il n'y a aucune preuve. Vas-y. Mais venez, enseignez à vous jeunes la sentence du fait d'appartenir à un groupe. Vous ne pourrez pas, parce qu'il ne restera plus un chat autour de vous. Même les chats vont se sauver. C'est pas les jeunes, les chats vont plus rester là. Il n'y aura pas de chat, personne. Mais des feuilles du charabia, vous le propagez. Mihada, hein? C'est ainsi qu'ils sont. مع أن العاقل لو قرأ هذه الورقات لا يجد فيها شيئا. يقول الشيخ أبو مالك الجهني حفظه الله تعالى في من ينبع. يقول أقولها بصراحة كلام مفلس لا شيء فيه. لا دليل ولا برهان كالذي يريد أن يغطي الشمس بكفه لكن صاحب الهوى يقبل ما يناسب هواه ويرد الحق لكن أهل العلم وأهل السنة ما قبلوا هذه الورقات بل حتى أن صاحبها الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى ما قبل بنشرها وهو لم ينشرها وإنما تسربت قال أنها سرقت من مكتبته وأخذت خلسة منه بل ذكر عنه أنه لعن من نشرها وهذه الورقات أحدثت ضجة كبيرة وفتنة عظيمة في الشباب ومن وراء هذه الضجة وهذه الفتنة الحزبيون وأعلام ورموز الحزبيين وهذه لعلها مرت لا أظن أنها لم تمر ببروكسل مرت وهنا أيضا ننبهك على أمر آخر هذا لمسته في العام الماضي في مونبولي في حياة الشيخ بن باز رحمة الله عليه قام بدرس نصيحة عامة للدعاة ولطلبة العلم ولأهل العلم وكانت نصيحة مسددة وتوجيهات قيمة في باب الدعوة وكيف تكون الدعوة و كما هي دروس الشيخ رحمة الله عليه فإذا باليوم الذي ألقيت فيه المحاضرة الغد كل رؤوس الحزبية وكذا يجعلون لهم محاضرات في مشارق الأرض ومغاربها ويقولون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أراد بكلامه فلان وفلان وفلان وفلان من علماء ودعاة المدينة ودعاة المنهج السلفي وأراد به الشيخ ربيع وأراد به الشيخ محمد أمان وأراد به كذا وكذا فإذا بهذا الكلام يصل إلى الشيخ فيجيب عنه الشيخ وأنا سمعت توضيح الشيخ للبيان بعدها فيجيب الشيخ ويقول أنا هذه نصيحة عامة لطلبة العلم ولأهل العلم ولكن الذين يصطادون هكذا قال ولكن الذين يصطادون في الماء العكر هم الذين يحملون الكلام ما لا يحتمل وقال أما إخواننا الشيخ ربيع والشيخ محمد أمل جامي والشيخ عبيد وتكلم عن كثير قال فهؤلاء إخواننا معروفون بالعقيدة السليمة وبالدفاع عن السنة وبالمنهج السليم وزاد فكان ماذا؟ كان أنهم أرادوا شيئا أنهم أرادوا حرب الدعوة السلفية ودعاة السلفيين فيدا بتزكية كريمة عظيمة في محل لا تصدر من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وهذا الكلام الذي قلت لك أنا أقول هذا هذا هذه السنة الشباب يروجون هذا الكلام في في في جنوب فرنسا بعد مرور سنوات يستعملون كلاما فنده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أنا أقول لعل تدور وتصل إليك فأنت عندك كيف أن هذا ما يروجه إلا من يريد أن يصطاد في الماء العكر ومن يريد أن الله المستعان. دونك ميم الشيخ بكر أبو زيد نيتي با كونتون دو سيت لتر دو سي كاتر فو كي سوا بروباجي. Et celui qui est doué de raison, quand il laisse ses feuilles, il ne trouve rien. Une expression écrite. Pas de preuve. Rien du tout. Cheikh Abu Malik, le Johani, Hafidhahullah Ta'ala, il dit, je le dis clairement. Ce que j'ai lu, ce sont des paroles vides de sens. Des paroles vides de sens. Dans lesquelles il n'y a aucune preuve. Il a dit, comme quelqu'un qui veut cacher le soleil avec sa main. Tu peux cacher le soleil avec ta main, c'est impossible. Hein? Mais il dit, Hafidhahullah Ta'ala, que les gens des passions, ceux qui suivent leur passion, ils acceptent tout ce qui va dans leur sens et dans le sens de leur passion. Hein? Et ils rejettent la vérité. Mais les hommes de science n'ont pas accepté ces feuilles. Loin de là. Les hommes de science, aucun homme de science n'a accepté ce qu'il y a dans les feuilles d'Yad Cheikh Bakr Abou Zayd. À tel point que même lui, il n'est pas content que ces feuilles soient propagées. À tel point qu'on rapporte qu'il faisait des dua contre ceux, hein. Il dit, l'anatullahi ala man nashara. Lui, il faisait des dua contre les gens qui l'ont propagé. Et ces feuillets ont créé un grand problème dans la jeunesse. Et c'était pas un moment très difficile. Hein? Ils ont créé une grande perturbation. Et qui est derrière cette perturbation? Les emblèmes d'Yel sectarisme. Hein? Les têtes d'Yel Hizbiya. Eux derrière. Chaque fitna qu'il y a, ils sont derrière. Hein? Peut-être que ces feuilles, ils ont déjà fait leur apparition à Bruxelles. Et peut-être qu'ils feront l'apparition. Comme, il y a quelques années en arrière, Cheikh Ibn Baz était, avant sa mort de 2 ou 3 ans, même plus. Il fait un jour un bayan, un éclaircissement, comment il doit être da'wa et des conseils pour les hommes de science et pour les demandeurs de science et pour du'at. Mais un truc général qui était extraordinaire, comme toutes les leçons d'Yel Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, rahimahullah wa askanahu fasiha jannatih, dans lesquels il y a beaucoup de leçons à retenir. Et les orientations pour que la da'wa soit, se fasse comme il se doit. Seulement les Hizbi, quand ils ont entendu ça, leurs emblèmes, le lendemain, des conférences par-ci et par-là, et après ils ont dit, Cheikh Ibn Baz, quand il a fait ces orientations, il a voulu nous avertir contre Cheikh Rabé, Cheikh Mohamed Amand, kada, ils ont cité les emblèmes d'El Ta'ouz Salafiyah. Et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils soient les gardiens, hein, et qui dit qu'il voit une erreur dans le menage, chez quelqu'un, il l'attire. Cette parole est arrivée aux oreilles d'El Cheikh. On est rentré chez Cheikh, où des gens lui ont dit, ah Cheikh, le bayan que t'as fait, ce que t'as voulu avec, Cheikh Kada. Il lui a dit non. Et il a fait un autre bayan. Et celui-là, je l'ai écouté. Et il a dit, ah, de ce que j'ai dit, c'est un conseil pour tout le monde, pour toute du'a, c'est un conseil pour dawa, etc. Mais ceux qui pêchent dans le trouble font dire aux mousses qu'ils ne disent pas. Ils ont dit, ils ont expliqué mes paroles comme ils ne doivent pas être expliqués. Et après, il a fait l'éloge. Il a dit, quant à nos frères, Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd Jabiri, il a commencé à chiter le mashayikh d'Yel Madia. Il a dit, ce sont tous des mashayikh d'Yel Da'wah Salafiyah. Ce sont tous des défendeurs d'Yel Sunna. Ce sont tous des hommes qui ont une aqida saine et qui défendent la Sunna et qui propagent la Sunna. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Regardez ce que voulaient les Hizbi, faire tomber la tête d'Yel Daoud Salavia. Mais regardez ce qui est arrivé, c'est que l'imam d'Yel Daoud Salavia leur a fait leur éloge. Donc ils se sont retrouvés plaqué contre le mur. Bien sûr, inna Allah yudafi'u 'ani alladhina amanu. Allah défend ceux. Hein? Il n'y a pas de problème. Je répète ça parce que hada, cette parole que je te dis, comme quoi Cheikh Ibn Baz a dit, etc., qui a été propagée là-bas en Orient, cet été, moi, je l'ai entendu. Cette année, je l'ai entendu au sud de la France. Il dit, subhanallah, qu'est-ce que vous dites? Je ne vais me voir. Il m'a dit, Cheikh Ibn Baz, il dit, subhanallah, hada, c'est quelque chose que Cheikh Ibn Baz, avant sa mort, au moment où ils ont dit ça, il a anéanti tout ça. Et j'ai la cassette, si tu la veux, je te la donne, tu l'écoutes. Pour que tu te rendes compte toi-même que Hadou, ils vivent sur le mensonge et ils mentent. Ils mentent pourquoi? Pour tout simplement que leur hizbiya soit épargné. Leur sectarisme soit épargné. Ils mentent pour jeter des ambiguïtés. Hein? Et c'est pour ça, quand il nous vient une parole de quelqu'un qu'on sait qu'il est hizbi, sur un homme de science, on ne la comprend pas. On la laisse, on met un point d'interrogation, et on attend, on va chercher. C'est ceux qui sont dignes de cette voix. Là, je l'entends, « Waslan, je la prends, mon écontent, l'air, l'islam. » Je dois aller chercher, et savoir s'il est vrai, etc. Et si c'est comme ça qu'il faut la comprendre, ou là, ouais, il veut me la tourner selon sa salade. Hein? Et il veut me la servir comme ouais, il veut. Et en général, c'est comme ça qu'ils font. Ils tordent là, la tête au texte. On a vu hier, qu'est-ce qu'on a vu avec le hadith d'Yel Hudaïfa, comment ils l'ont tourné. Ils aiment jama'at les muslimines. Ils aiment, comprends-toi la jama'at des muslimines. Il a dit, bah Allah subhanahu wa ta'ala a donné une jama'a à cette communauté. Il a cité la jama'at d'Yel Ikhwan et leur imam. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils aiment jama'at les muslimines. Wa imamahum. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un docteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a comblé cette communauté avec une jama'a. Jama'at les muflisun. Et son imam, qui? Anta. Et Allah. Tu peux leur faire confiance après ça? Comment tu peux leur faire confiance? Même mon chat, je ne leur confierai pas. J'aurais peur d'en répondre devant Allah Azza wa Jal. Wa yaqulu al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Hein? Fa al-hasil anna al-Sheikh Bakr. لا شك أن له كتابات سلفية جيدة ولكن كذلك نبه أهل العلم أن له رسائل عليها مؤاخذات ورد عليه بعض أهل العلم كرسالته في تصنيف الناس وكذا فرد عليه الشيخ سدلان وكثير من العلماء ولكن مع الأسف هؤلاء الحزبيين الكتب طيبة والكتب القيمة والكتب المؤصلة للمنهج والكتب السلفية لهذا الشيخ أعرضوا عنها وحاربوها والتي عليها ملاحظات ولا توافق منهج السلف نشروها وفرحوا بها وطبلوا وزمروا لها فهل هؤلاء أصحاب حق؟ نعوذ بالله. فهذه عين الهوى هو هذا. Il n'y a aucun doute que Cheikh Bakr Abou Zayd, Hafidhahullah Ta'ala, il a des bons livres. Et des livres qui sont conformes à la voie des puiseurs, d'Allah Alayh. Mais il a aussi des livres dans lesquels il y a des erreurs, que certains nombres de sciences ont refutées. Ils lui ont répliqué sur certains livres. Mais les hizbis, les sectaires, avec grand regret, les bons livres, ils les mettent de côté, ils les combattent. Les livres qui vont te donner des règles, d'Yal Minhaj, ils les critiquent. Ils les dénigrent. Ils éloignent les jeunes de ces livres. Et ils les combattent. Mais les livres sur lesquels il y a des choses, il y a du hic, et qui ne correspondent pas à leur passion et à leur voix, et les livres qui correspondent à leur voix et qui ne correspondent pas à la voix du puiseur d'Allah Alim, ils la propagent et ils sont contents, ils s'en réjouissent. Et même ils chantent. Et font de la musique pour ça. ils appellent leurs orchestres, hein, est-ce que ça, ce sont des gens de la vérité? Loin de là. Ce sont des gens qui suivent leur passion. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وسأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي وعليه التكلان. الشيخ النجمي حفظه الله تعالى يقول لا maintenant je vais écrire très vite parce que الله سبحانه وتعالى m'a facilité et je fais confiance en Allah et je m'appuie en Allah, c'est-à-dire parmi les choses qui sont néfastes dans la Hizbiya. أن يبين لنا الشيخ مساوئ لحزبية. يقول أولا إن الحزبية بدعة منكرة لما سبرناه من النهي عنها في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام السلف رضوان الله عليهم. Il dit premièrement, la hizbiya, le sectarisme, c'est une innovation. Il dit, après lecture du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète islam et la parole des puissants d'Allah, il apparaît que le sectarisme est une innovation. يقول ثانيا من مساوئ الحزبية أن الله سبحانه وتعالى ذم الله عز وجل الحزبية والتحزب وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمها سلف هذه الأمة الذين عرفوا الإسلام معرفة حقيقية لأنها خروج على وحدة لأن الحزبية خروج على وحدة الأمة الإسلامية التي أمرها الله عز وجل أن تكون أمة واحدة فقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وانقسام منها وتجزئة لها ومساهمة في إضعافها. ثانيا le deuxième point néfaste dans l'hizbiya, dans le sectarisme, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a blâmé. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé aussi. Les salafs, radhiyallahu anhum, ont blâmé. Salafs qui ont connu réellement l'islam et l'authenticité de l'islam. Car le sectarisme, c'est le fait de sortir de l'unicité de la communauté et de ramener la communauté à un morcellement. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à cette communauté qu'il soit uni. Dans le verset dans surat al-Mu'minun, ceci, c'est votre communauté unique et je suis votre Seigneur. Préservez mes droits. Fattakoun. Al-Hizbiya, c'est une division. Et c'est le fait de sortir de cette communauté. Et de sortir. Et de créer un groupe. Et de faiblir cette communauté. ثالثا من مساوئ الحزبية أن المنتسبين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء وذلك مشاقة لله ولرسوله ومحادة لله ورسوله حيث جعل الله عز وجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Le troisième point néfaste dans la Hizbiya, c'est que ceux, les adeptes de la Hizbiya et les militants des Hizb et des sectes font que l'alliance se fait pour le parti. Le désavoué se fait pour les partis. S'allier, se désavouer, se fait pour le parti. Donner, prendre, etc. Se fait, tout se fait pour le parti. Et ceci est en divergence. C'est une divergence avec la parole d'Allah et la sunna du prophète, alayhi sallatu salam. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait que l'alliance et le désavou doivent être dans la foi pour en Allah et en son messager, alayhi salatu salam. L'alliance et le désavou dans la foi pour Allah et son messager, alayhi salatu salam. Et le verset nous dit ceci dans Sourate al-Mujadila. Tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah, en le-delà, s'allier avec des gens qui sont en divergence avec Allah et son messager, qui ont pris... Hein? Même si c'est leurs parents, même si c'est leurs enfants, même si c'est leurs frères, même si c'est leur tribu, cela Allah subhanahu wa ta'ala a transcrit la foi dans leur cœur. Et il les a aidés, il leur a donné la force. Il va les faire rentrer dans des jardins sur lesquels coulent des fleuves, où ils seront éternellement dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ils seront contents, ils agréeront ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Ils vont être contents de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Cela, c'est le parti d'Allah. Et le parti d'Allah, ce sont eux les gagnants. Regarde. C'est un verset qui te donne une règle. Hein? Si tu dois t'allier, tu dois t'allier pour Allah et pour son messager, alayhi salatu wassalam. Tu n'as pas à t'allier pour autre chose, pour l'idéologie d'un groupe, ni pour les principes fondamentaux d'un groupe, ni pour une personne. Pour Allah et pour son messager. Tout doit se faire autour de ça. Hein? Tout doit se faire autour de ça. ثم يأتي قائد جماعة في فكر معاصر فيقعد قاعدة تتنافى مع هذه الآية وما في معناها من آيات الولاء والبراء فيقول نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعضل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء وهذا نقدا لهذه الكلمة وهذا تقعيد حادث فاسد إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد وكم من فرقة تنبذ أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل. كلام نفيس ولكن هذا الكلام لا يعجب الحزبيين ولهذا لا ينصحون بقراءة حكم الانتماء. هذه قاعدة جليلة وتنقض ما هم عليه. قاعدتهم الميكافيلية هذه تنقضها وتنسفها نسفا. Donc après, cher de nous dire, arrive le leader d'un groupe contemporain avec une pensée contemporaine, nouvelle. Il nous instaure une règle qui est complètement, qui va à l'encontre de ce verset et d'autres versets qui concernent l'alliance et le désaveu. Il nous dit, on se réunit sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et on s'excuse les uns les autres sur les choses sur lesquelles nous sommes en désaccord. Et ça, c'est une règle machiavélique. Hein? Cheikh Abakar Abou Zayd va anéantir ça dans son livre « Hukm l'intima ». Comme l'a cité ici Cheikh Abdallah. Et il dit, ça c'est une règle nouvelle et mauvaise. Hadithun fasid. Cette règle est mauvaise et elle est nouvelle. Donc innovée. Il dit, il n'y a pas d'excuse dont d'être, on ne peut pas s'excuser quand on est en divergence dans des choses qui sont irréfutables dans les lois d'Allah, Azza wa Jal. Car avec l'unanimité du musulman, et c'est l'unanimité des hommes de science, il n'est pas permis de s'excuser, ni de laisser des choses qui sont dans les fondements de cette religion, et dans les croyances, c'est impossible. Et combien de groupes, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, a délaissé ce fondement de côté. Et il débat pour le faux et pour le nul, et il défend le faux et le nul. Comment y a akhal islam? Comme maintenant, la règle, elle est chez, c'est une règle d'il ikhwal muflisun. D'accord? Comment y a akhi, tu veux que je m'installe avec un rafidi à table? Et que tu veux que le rafidi soit avec moi à table? Alors qu'il insulte Abu Bakr et Omar. Hein? Comment tu veux? Alors qu'Abu Bakr et Omar, ce sont les deux premiers khalifs de cette communauté. Et certains hommes de science, quand ils ont interprété, dit « Sirat al-Mustaqim »,« Sirat al-Mustaqim », ils ont dit « Abu Bakr wa Omar ». Hein? Comment, petite hein? Qu'est-ce que tu veux lui dire à elle? Comment tu veux t'installer avec quelqu'un, être en accord avec quelqu'un qui dit que le sens des noms et des attributs d'Allah, Azzawajal, on le délègue. Et il dit ça, c'est la voix d'El Salaf. A'oudou billah, ça c'est un mensonge sur Salaf. Le sens, il est connu en langue arabe. Al-Yad, Salaf, ils savaient ce que c'est que l'Yad en langue arabe. Al-Ilm, Salaf, ils savaient. Al-Istiwa, Salaf, ils savaient ce que ça veut dire. Mais ce qui est délégué, c'est le comment. Comment il est cet attribut? Hada, on le délègue. Hada, c'est la voix d'El Salaf. Mais quand toi, le leader de ces groupes, tu dis que hein, Salaf, déléguer le sens, comment tu veux qu'on se mette en accord? On ne peut pas, c'est impossible. Alors la réunion de la communauté ne se fait pas sur du faux. La réunion de la communauté ne se fait pas sur n'importe quoi. La réunion de la communauté se fait sur des bases saines et solides. Des bases sur lesquelles qu'a enseigné Mohammed à ses compagnons. Des bases qu'ont transmis les compagnons du prophète à ceux qui les ont suivis. Et eux, ils les ont transmis à ceux qui les suivent, etc. Des bases sur lesquelles sont ceux qui suivent les compagnons du prophète à la perfection et à l'islam. Ils n'ont pas sur des règles machiavéliques. Hein? Ils n'ont pas en tordant les textes, le coup des textes, pour qu'ils correspondent à nos passions et à nos voix. C'est impossible. Dans ces cas-là, on défigure la religion d'Allah, Azza wa Jal. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى قلت هذا هو الفهم للإسلام لا ما سلكه بعض الزعماء في العمل الإسلامي من سياسة التجميع والتكثير لقوم عقائدهم مختلفة واتجاهاتهم متباينة وقناعاتهم متضادة فماذا كان إنهم ما زالوا منذ ما يقارب 90 سنة يدورون في حلقة مفرغة وصدق والله أتونا بعالم عند الإخوان تخرج من مدرسة الإخوان المسلمين يحترم شرع الله ويحترم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفتواه موافقة لكتاب الله ولصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أين هو؟ مع أنه عندهم المؤسسات والأموال ولكن أين تذهب هذه الأموال وماذا تفعل هذه المؤسسة وانظر في قبل هذا رجل حورب من أهل البدع بشتى أصنافها من صوفية وحزبية رجل كالشيخ ناصر كم ترك لنا من ميراث وكم ترك من طلبة يدافعون عن المنهج السلفي وخذ مثلا رجل كذلك وسط بحر من الشيعة وأقام مركزا لوحده ومعه قلة من الرجال في الأول كانوا 3 وبعدها 6 ونشر به الله سبحانه وتعالى السنة في اليمن وقضى على أوكار الحزبية في اليمن وهو الشيخ مقبل رحمه الله أين هم من هذا؟ أعطونا مثلا واحدا كالشيخ مقبل والشيخ الألباني مع أن عندكم المؤسسات وعندكم الأموال وعندكم وعندكم أين أنتم من هذا؟ هذا الواقع. نحن نفهم أكثر منكم الواقع. هذا الواقع. واقعكم ما أخرجتم للأمة إلا المفكرون والسياسيون والاجتماعيون والمخربطون والقصاصون والمفسدون في الأرض. هذا الذي أعطيتم الأمة. وهذا التاريخ منذ أن أسست 100 سنة الآن. ها هو أمامنا. انظر. لا شيء. الشيخ de nous dire حفظه الله تعالى ça c'est la compréhension de l'islam en parlant de la règle qu'a cité Cheikh Bakr Abou Zayd. Hein? Cette parole qu'il a citée pour anéantir la règle d'Yala Machiavelli qu'il a dit. Il a dit, Cheikh Najmi Hafidhahullah, ça c'est la compréhension de l'islam. Non pas l'avoir compris certains leaders dans l'œuvre islamique, dans les activités islamiques, que ce soit au niveau politique ou au niveau de réunir les gens, juste pour réunir les gens, même si c'est leurs dogmes sont différents. Réunir les gens pour la réunion. Même si leurs orientations sont différentes. Même si les choses avec lesquelles ils sont convaincus, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Et tout simplement les réunir. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Presque un siècle maintenant, les Ikhwa al-Muslimin, donnez-nous un savant qu'ils ont sorti de leurs écoles, dont les fatwas correspondent à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète. Un da'i qui défend la voie du puiseur d'Allah et qui défend la sunna. Il n'y a pas. Par contre, les conteurs d'histoire, les politiciens, les sociologues, les mukharbitoun, les mufsidoun, ceux qui font mal sur terre, parlent sans gêne. Et prends par exemple un homme comme Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. Combien d'élèves il a éduqués qui sont maintenant des défendeurs de la sunna? Et Allah. Combien d'héritages il nous a laissé de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam? Combien d'héritages de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam il a authentifié? Ça suffit à Cheikh Nasser, rahmatullah, comme honneur, juste le livre de la description de la prière qui a permis d'authentifier la prière de la majorité des hommes, des musulmans sur la planète, à travers le monde musulman. Yallah. Hada, c'est un honneur. S'il y avait que ça de Cheikh Nasser, c'est énorme. Principal pilier de cette religion après l'attestation de foi. Il a sorti avec quelque chose qui a bouleversé les esprits. Et il a remis au jour certains sunnas qui étaient oubliés. Rahmatullahi alayh, un seul. Pourtant, autour de lui, tout le monde le combat. Les sectes soufis, les hizbi, hizb tahrir, le ba'd, taf, l'ikhwan, etc. Ça n'arrête pas. Il a été chassé de Syrie. On a failli le chasser de Jordanie. Si ce n'est la raison du roi Abdallah et l'intervention de certaines personnes, certains hommes de science. Sinon, prends par exemple aussi, pourtant, les frères musulmans, ils ont des institutions, ils ont beaucoup d'argent. Et leurs leaders, parmi leurs leaders et les têtes d'affiche, c'est des grandes fortunes. Et ils n'ont pas fait ce que a fait un homme, qui n'a pas d'institution. Cheikh Rabi' de nous dire du travail de Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayh, il a fait ce qu'un état à Cheikh Al-Albani, rahmatullahi, ça a été un état à lui tout seul. Il a fait le travail d'un état. Je te donne un autre exemple. Cheikh Mokhbir, rahmatullahi alayh, un seul homme. Pourtant, quand il est sorti d'Arabie Saoudite, il est rentré au Yémen, il avait peur. Il n'y a autour de lui que des Zaydites, que des Shia, dans un pays où c'est les Hizbi, Hadul Ikhwan et autres qui prennent le monopole. Un seul homme. Il est devenu deux, trois, quatre, cinq, six. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet homme a bouleversé le Yémen. La da'wa de cet homme a bouleversé le Yémen. Le Yémen, la sunna se propage dans le Yémen. Les Hizbi se sont fait dévoiler, défigurer chez les communs des musulmans au Yémen. Et cette da'wa ne s'est pas arrêtée là. Des milliers d'étudiants arrivés de partout, des États-Unis, partout, dans le centre de Damas. N'importe quel pays d'Europe, tu vas, tu trouveras un étudiant de Cheikh Mokbil. Et Allah. Pourtant, un seul homme, faible au niveau de la santé, aucun allié avec, sinon Allah Azza wa Jal, et Cheikh Ibn Baz, qui l'aidait dans sa da'wa, il a bouleversé. Parce qu'il défendait la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. parce qu'il appelait les gens au monothéisme. Il appelait les gens à s'attacher au livre d'Allah et à l'authentique de la Sunna du prophète, avec la compréhension du plus à eux. Il n'attachait, il ne liait pas les gens avec les hommes, ni avec les principes d'un groupe. Tout ça, nous devons réfléchir et regarder cette réalité en face. Ça, c'est notre actualité. Au moins, ils disent que nous savons, ne comprennent pas l'actualité, ou là que les salafis sont en dehors de l'actualité. Ya akhal islam, hadi, c'est notre actualité. Et on sait comment vous êtes, vous. Hein? On n'est pas dupes. On ne tombera pas dans votre filet. Hein? Wa alaykoum salam. رابعا يقول الشيخ حفظه الله تعالى من مساوئ الحزبية يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتدى قولهم ويقتدى بأفعالهم ويتخذون قدوة وأسوة ويكون قولهم وتقعيدهم وتنظيرهم مسلما وإن خالف الحق وتلك هي قاصمة الظهر والله. Aussi parmi les points néfastes de l'hizbiya, de le sectarisme, c'est que les hizbis doivent prendre à leur tête les imams de l'innovation. Ils doivent les prendre comme exemple. Ils doivent mettre en application leurs paroles à la lettre. Ils doivent les suivre. Tu vois, par exemple, le petit Hada d'Europe, Asmiyatou Hada. Hada. La jeunesse musulmane de France, oui, Hassan Kussan. Un jour, pour donner le modèle, il a dit, voici l'imam Hassan al-Banna. Le modèle qu'il donne aux jeunes, qu'il présente aux jeunes. Et sur cette photo, le chapeau à la rouge, avec la cravate et la barbe taillée. Avec Ahoua. Subhanallah. Hein? Donc, il propage l'attachement à leur leader. Hein? Donc, leur leader, même s'ils sont dans l'innovation, ce sont eux qui doivent suivre. Ils les suivent. Leurs règles, on ne doit pas bouger. Il a instauré la règle, on ne bouge pas. Prends. Hein, t'as chauffé les règles qui sont instaurées. 4 et 4 et 4. 4 à faire, 4 à ne pas faire. Si jamais à tu blagues, ne sortent pas de là-dessus. Sifat, la même chose. Taf, taf, taf. Les 20 fondements. L'osul, la jirin, shil, ikhwal. Sort pas de là-dessus. Tac, tac, tac, c'est tout. C'est ça. C'est clair et c'est net. Tu restes là. On te met des œillets. Hein? Alhamdoukallah. On met à la personne des œillets. Hein? Donc l'exemple pour eux, ce sont les leaders. Même si les paroles et les règles de ces leaders sont en divergence avec la vérité. Et ça, par Allah, c'est ce qui casse le dos. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Ya ayyuhalladhina amanu. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وفد تميم في من يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس وأشار عمر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، وقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Hujurat commence ainsi. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas le prophète, Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et préservez les droits d'Allah, azza wa jalla, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, il entend et il sait. La cause de la révélation de ce verset, c'est que Abu Bakr, radiyallahu anhu, wa Omar, radiyallahu anhu, ma jami'an, ils se sont élevés la voix chez le prophète, alayhi salam, qui mettre comme émir pour une tribu qui est l'ouaf d'yel, la délégation de Tamim. Que lequel, quel émir doit choisir le prophète, alayhi salam. Abu Bakr, alayhi salam, il dit, « Ya Rasulallah, il faut que tu prennes l'Aqra ibn Habis. » Omar ibn al-Khattab, il a dit, « Na, ya Rasulallah, il faut que tu prennes Omar ibn al-Qaqa ibn Ma'bad ibn Zurara. » Abu Bakr Siddiq s'est tourné vers Omar ibn al-Khattab, il a dit, « Seulement tu veux être en divergence avec moi. » Omar ibn al-Khattab lui dit, « Non, je ne veux pas être en divergence avec toi. » Les voix se sont élevées. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset pour éduquer cette crème de l'humanité. Et ces nobles croyants qui sont les compagnons du prophète alayhi salam. Ô vous qui avez cru, hein, ne dites rien devant Allah ni devant son messager alayhi salam. Nous devons enseigner Allah ni son messager alayhi salam et préserver les droits de l'âge. C'est aujourd'hui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et il entend, il sait. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix devant la voix du prophète alayhi salam. Et ne criez pas comme vous parlez au prophète alayhi salatu wassalam, comme vous criez les uns les autres. Peut-être que vos actes vont être avilis, alors que vous ne le sentiez pas. Ça, c'est le verset qui a descendu pour, hein, donner une éducation aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et de là nous donner aussi une éducation. Nous ne devons rien mettre devant le livre d'Allah Azza wa Jal. Il est sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. La parole d'Allah, il est sunna du prophète alayhi salatu wassalam, doit être devant tout. C'est elle qui doit prendre le dessus sur tout. Walidalikum bil fiqh alladhi akramahu Allah subhanahu wa ta'ala. Akrama bihi amir al-mu'minin fil hadith. Rawa al-Bukhari fi sahihi 'an Mujahid, la tuqaddimu, أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. قال الحافظ: وصله عبد بن حميد من طريق أبي نجيح عن مجاهد. Donc, et l'imam Bukhari, avec cette compréhension que Allah ta'ala lui a donné, hein, lui l'émir du hadith par excellence, il a rapporté de Mujahid que la tuqaddimu, c'est-à-dire n'inventez rien devant le messager alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète par l'intermédiaire de son messager alayhi salatu wassalam. Ne dites rien avant que la sentence n'est venue min Allah azza wa jalla, que le prophète ne vous la prononce. Allah subhanahu wa ta'ala addaba ibadahu al-mu'minin أن يقدموا آراءهم على حكمه وأقوالهم على قوله أو يقدموا أحدا سوى أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدموا حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله على قوله أو هديه على هديه وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بإحباط العمل لهذا فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي بن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلكا كاد الخيران أن يهلكا أي كاد عمر وأبا بكر خيرا هذه الأمة أن يهلكا. لما؟ لأنهم تقدموا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم من الرسول، ولكن أدبهم الله سبحانه وتعالى ونزلت الآية لتأديبنا كذلك. فلا يجوز لنا أن نقدم شيئا أمام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué ses serviteurs croyants. Il leur a enseigné qu'il ne faut pas mettre leurs avis, hein, ni leurs paroles devant la parole d'Allah azza wa jal, ni celle de son messager alayhi salatu wassalam. Ils doivent mettre aucun jugement devant le jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Ils doivent mettre aucune parole, ni aucun acte devant ce qu'a enseigner le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala fait cet avertissement à celui qui agit ainsi. Celui qui mettra quelque chose, nous l'avons. Mettra une chose, nous l'avons par rapport à ce qu'a fait le prophète alayhi salam, et qui est en divergence avec ce qu'a fait le prophète alayhi salam, là, dit qu'il anéantit son acte. Non avenant, rejeté, tombé à l'eau, comme tu veux, hein. Il Bukhari, dans son authentique, il le rapporte de Ibn Abi Mulayka, il a dit, les deux nobles ont failli périr. Les deux nobles ici, ce sont Omar et Abubakr Ridwanullah alayhi. Ont failli périr. Pourquoi? Parce que justement, ils ont élevé la voix devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et par cet incident qu'il y a eu devant le prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu ce verset pour nous donner un comportement. Et pour nous orienter vers le comportement qu'il faut, que nous ne devons rien mettre en avant devant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ni devant les lois d'Allah azza wa jalla. يقول الشيخ قلت ليت من يتخذون فلانا وعلانا قدوة لهم يأخذون أقوالهم بلا دليل ويجعلونها أصولا يبنى عليها يراجعون أمرهم قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي تأويل قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وهاتين الآيتين وإن كانت قد نزلت في من رفض شرعه رفضا كليا إلا أن من رفض بعض شرعه رفضا جزئيا سيناله نصيب منها ولا سيما إذا كان المرفوض هو من أصول الدين وقواعده أو قل هي الأسس والقواعد التي يكون منها المبدأ وعليها المدار ومن خلالها المنطلق فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ de nous dire c'est ceux qui prennent telle personne comme guide et qui prennent leurs paroles sans preuve, ils la mettent en application, ils font de leurs paroles des fondements sur lesquels ils basent tous leurs actes et toutes leurs voies. Si ils se révisaient un petit peu, ils révisaient ce qu'ils sont en train de faire avant que ça ne soit pas trop tard, c'est-à-dire avant qu'ils meurent, avant qu'on arrive la réalité de ce verset. Le jour où l'injuste va se mordre la main, va mordre sur sa main. Et il dira, si j'avais pris le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, malheur à moi, pourquoi j'ai pris tel comme intime? Et ce jour-là, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut se poser la question. C'est maintenant qu'il faut, je vois ces idéologies comme un culte. Ces enseignements qu'on me donne, est-ce qu'ils vont de pair avec la parole d'Allah Azza wa Jalla, l'authentique de la sunna du prophète ou pas? C'est pas une fois que je suis dans la tombe, ou là une fois qu'il y a la résurrection, c'est maintenant. Et ces deux versets, s'ils sont descendus dans des personnes qui ont refusé complètement la législation d'Allah Azza wa Jalla, mais celui qui refuse même une parcelle de là, une partie de la législation, il aura sa part de l'avertissement qu'il y a dedans. Et surtout quand ce qu'il refuse fait partie des fondements de la religion et des règles et des bases de cette religion. Oui, il fait partie des règles de cette religion. Car les règles de la religion et les bases de cette religion, c'est de là où on part. Hein? Et si on a un mauvais départ, l'arrivée est mauvaise. Man hurima al-usul, hurima al-usul. Celui qui n'a pas les fondements n'arrivera pas. C'est impossible. Et tout ce qui est construit sur du faux est faux. ما بني على فاسد فهو فاسد فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبإلقاء نظرة وبإلقاء نظرة على الفئات المبتدعة نراهم جميعا قد اتفقوا كلهم على شيء واحد وإن اختلفت مشاربهم وتباينت عقائدهم اتفقوا كلهم على نبذهم الكتاب والسنة التي أمر الله باتباعها وجعل النجاة في اقتفائها فقال جل من قائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Quand tu jettes un coup d'œil maintenant sur ces groupes innovés, Ils voient tous, ils sont unanimes sur une chose. Ils sont tous d'accord sur une seule chose. Même si leurs sources sont différentes. Même si leur point de départ est différent. Même si dans leur dogme ils sont en différence. Ils sont unanimes à donner le dos au livre d'Allah Azza wa Jal et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le fait d'être sauvé, c'est de suivre son livre et de suivre son messager alayhi salatu wasalam. Et il a dit dans ce sens, le verset nous dit ceci dans sourate Al-Jatiya, et nous avons fait que tu sois sur une législation, suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, car ils ne peuvent rien pour toi. Et les injustes sont les alliés les uns des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'allié de ceux qui préservent ses droits et qui mettent en application sa religion. فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيلات شيوخهم هي الأصل. فمثلا المعتزلة قد عطلوا القدر وأنكروا رؤية الله في الآخرة وزعموا أن القرآن مخلوق مستندين في ذلك إلى ما أصله شيوخهم، والجهمية عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق كما زعموا، وقل في الأشاعرة وفي سائر الطوائف المبتدعة مثل ذلك. وإذا نظرت إلى السبب الذي من أجله رد النصوص تجد أنها هي الشبهة التي أخذوها عن شيوخهم وزعمهم أن شيوخهم أعلم بالحق منهم، وهكذا الأحزاب المعاصرة. إذا سبرنا حالهم نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل، وما عاداه فمشكوك فيه، ويتبين ذلك بالأمور التالية. Donc, les adeptes des sectes et des partis innovés et des croyances innovées sont tous unanimes à donner le dos à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont fait que les fondements et les règles de leur chouyour, ça soit eux la base. Prends par exemple le Mu'tazila, ils ont annulé le qadar. Hein? Et ils ont annulé le fait, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le verra pas dans le delà. Ils ont prétendu que le Coran, c'est une créature. Leur base et leur preuve, c'est quoi? Leur base, c'est ce que instauré leur cheikh, les règles qu'ont instauré leur chouyoukh, tout simplement. Si on regarde le Jamia aussi, ils ont dépouillé les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont confirmés dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de faire ressembler Allah à sa créature. Ils se sont sauvés d'une chose, ils sont tombés dans une autre chose pire. Comme ils prétendent. Ils se sont sauvés du fait de ne pas donner de ressemblance à Allah dans ses attributs. Tu peux dire la même chose pour l'Asha'ira et pour toutes les sectes et tous les groupes innovés. La même chose. Et quand tu regardes la cause de tout ça, c'est parce que tout simplement ils ont mis de côté. Ils ont donné le dos au texte. Et ça, ce sont les ambiguïtés qu'ils ont pris de leur leader et de leur cheikh. Et ils prétendent que leurs chers connaissent la vérité mieux qu'eux. Ils sont plus savants qu'eux. Et il en est de même pour ces partis innovés maintenant. Les partis contemporains, ils sont dans la même chose. J'ai dit, de ce que nous avons vu de ces partis, la cause est identique. Ce qui a fait porter le Mu'tazila, le Khawarij, le Jahmiya, le Ash'ari à prendre les règles et les fondements de leur chouyour, c'est la même chose que ce qu'ont fait les groupes contemporains. Inch'Allah, salama ou l'afia. Et on arrêtera là, Inch'Allah. On continuera, Inch'Allah, mardi, après Salat, l'Asr, Inch'Allah. Et après Salat, l'Isha, Inch'Allah.